Chapitre 4. Le panier du carlin. Le jour qui se levait permit à Baptiste de distinguer, tout en courant derrière le carrosse, un objet suspendu sous le coffre du carrosse même. Une montée ayant forcé les chevaux à ralentir le pas, Baptiste s'approcha assez de cet objet pour reconnaître un grand panier d'osier découvert. Dans ce moment, la voiture s'arrêta tout à fait, et Baptiste, plongeant ses regards dans l'intérieur du panier, découvrit un petit chien endormi. Soudain, une idée le saisit. S'il se mettait à la place du chien, non seulement il serait plus commodément que sur le marchepied, mais encore, il ne courait pas le risque d'être pris pour un mendiant et d'être chassé comme tel. Il allait mettre ce projet à exécution lorsqu'au moment d'ôter le petit chien, un sentiment de commisération envers ce pauvre animal abandonné sur une grande route l'émut profondément. Ne pouvait-il pas partager seulement la place avec le chien sans l'en déposséder entièrement? Le panier était vaste, profond, et lui, Baptiste, si frêle, si petit pour son âge. Son humanité aidant, il comprit l'injustice et la cruauté de son premier mouvement, et se faisant mince autant que possible, il se glissa à côté du chien. Celui-ci, loin d'en vouloir à son nouveau compagnon de voyage, sembla heureux, au contraire, de cette société. Il se recula autant au bord qu'il put, et léchant les mains et le visage de Baptiste avec une intelligence peu commune, il avait l'air de lui dire « Sois le bienvenu près de moi. Je m'ennuyais d'être seul. » Le carrosse, qui recommençait à rouler avec impétuosité, emportant Baptiste à travers champs, mit fin aux protestations d'amitié de l'un et de l'autre habitant du panier. « Quel drôle d'événement !» se disait-il en contemplant le jour qui se levait. Et la campagne, cette campagne si riche, si variée de l'Italie, qui se déployait majestueusement à ses regards. J'ai suivi ce seigneur français pour lui rendre son louis d'or et empêcher qu'il n'emportât une mauvaise opinion de moi à Paris. Et voilà qu'au lieu de cela, je me laisse faire l'aumône, traité de mendiant. Quel guignon! Au lieu de détruire une fâcheuse impression, je ne fais que l'augmenter. Car enfin, que voulez-vous que cette altesse dise en arrivant en France? Ce petit Baptiste, vous savez bien, un petit blond qui joue du violon pour vivre, qui ne joue pas mal. Je vous assure, eh bien, c'est un petit drôle, un petit vaurien, un brigand, un scélérat. Dans un moment de distraction, je me trompe, je lui donne de l'or. Et ce petit malheureux, non seulement le garde, mais il me poursuit encore pour en avoir d'autres. Par Notre-Dame de bon secours, je sus de penser que ce Français pourrait dire de moi des choses aussi affreuses. Mais va, trottez, trottez, chevaux, galopez, emportez-moi bien loin, n'importe. Vous ne m'emporterez pas si loin que je ne puisse me justifier. Moi, Baptiste Lully, un voleur et un mendiant, j'irai jusqu'à Paris s'il le faut, pour lui prouver le contraire, à ce seigneur de la France. » Le sommeil qui surprit Baptiste l'arrêta au milieu de son soliloque. Il faisait grand jour quand il se réveilla, et l'immobilité dans laquelle son panier, lui et le chien, se trouvaient l'étonnant, il se mit à en chercher le motif. En avançant la tête hors de son réduit, il vit le carrosse dételé, remisé dans une grange et personne alentour. « Pour cette fois, dit-il, pas d'hésitation. Ne nous laissons pas intimider par les grands airs superbes de ce seigneur, et disons-lui son fait. » Ayant donc ainsi pris son parti, Baptiste sauta hors du panier, et de l'air le plus résolu du monde, s'avança vers une grande maison où, parmi toutes les personnes en mouvement et qui se pressaient dans les corridors et les cuisines, il reconnut le valet du duc qui l'avait conseillé de garder son or et l'avait gratifié de l'épithète peu obligeante de stupide.